والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس للقراءة في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله العقيدة الصحيحة وما يضادها، فعلى بركة الله نكمل. Donc nous louons Allah qui a permis de réitérer cette rencontre. Et donc nous allons encore continuer donc le livre de l'Aqidah Sahih et ce qui va leur selon poser le Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. قال الشيخ رحمه الله ولم يزل هذا الشرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا بسبب ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العصر وبعد العهد بعصر النبوة. وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين، وهي قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم سبحانه بقوله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر، وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد عليهم سبحانه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبان بذلك سبحانه أن عبادته لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذبهم في قولهم إن آلهتهم تقربهم إليه زلفى. De nos jours, le polythéisme se propage toujours parmi les gens, en raison du règne de l'ignorance et après avoir connu l'époque de la prophétie. Et l'argument de ces derniers est le même que celui des premiers, qui est de dire « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » Mais Allah a déjoué leur argument et a démontré que quiconque adore une autre divinité, quelle que soit autre qu'Allah, est un associateur et un mécréant. Comme Allah le mentionne dans le sens de ce verset, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent « Ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Allah leur a répondu en ces termes, dans ce sens, « Et informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur terre et sur la terre, pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. » Dans ce verset, Allah montre qu'adorer une autre divinité que lui, parmi les prophètes et les saints ou autres, fait partie du polythéisme majeur, même si ceux qui pratiquent ce dernier le nomment autrement. Allah a dit également dans ce sens, « Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui et disent, « Nous les adorons pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » Et Allah a répondu en ces termes dans le sens, « En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. » Allah ne guide pas celui qui est menteur et un grand ingrat. Ainsi Allah a informé dans le fait d'adorer une autre divinité qu'Allah, en émettant des invocations crainte, espoir et autres, et de la mécréance envers Allah, gloire à lui, et le plus mensonger de leurs propos était de prétendre que leur divinité les rapprochait d'Allah. بعد أن انتهى المؤلف من بيان العقيدة الصحيحة. Après avoir fini donc de montrer c'est quoi le dogme authentique et correct. ذكر ما يضاد. Il a cité donc ce qui va s'en opposer. وبيّن من حال عباد الأصنام وغيرها. Il nous a montré donc l'état de ceux qui adorent les idoles et autres. ومن يسألون الأموات وغير ذلك من الأشجار والأشجار. Et ceux qui implorent que ce soit des morts, des pierres ou des arbres. وبين ما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل كفار قريش. Et il nous a montré donc ce qui était la pratique de Quraysh du vivant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. هنا بين بعد ذلك ما وقع فيه الناس. Donc après montrer ce en quoi les gens sont tombés. في العصر الحاضر. Donc actuellement. عبادة غير الله. Adorer autre qu'Allah. مدخل شيطاني. Donc c'est une porte couvre le شيطان. يمارسه الشيطان. Donc c'est lui-même qui l'exerce. Il l'exerce donc génération après génération. Et il embellit aux gens le faux. Et celui donc qui observe et qui regarde un peu l'histoire de l'humanité, il va perdre donc que l'histoire elle se refait. الأحداث يتغير بعضها. Donc les événements quelques-uns changent. ولكن تتكرر في كل عصر. Mais elle se répète à chaque génération et à chaque époque. خلق الله آدم. Allah a créé Adam. خلق منه ذريته. Et après donc il en a fait donc sa descendance. حواء. Donc son épouse. حواء وتوالدوا et ils ont eu donc une descendance وأبناءه على التوحيد et ses enfants donc ils étaient sur l'unicité. مات آدم. آدم عليه السلام est décédé. وبعد موت آدم عليه السلام et après donc sa mort بقيت ذريته على التوحيد. Sa descendance elle est restée sur l'unicité. استمرت 10 أجيال. Ils sont restés comme ça 10 générations. أو 10 قرون. Ou bien 10 siècles. كما في حديث ابن عباس البخاري. Comme il est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari. كان الناس على التوحيد. Les gens donc ils étaient sur l'unicité. 10 قرون. 10 siècles. ثم اندرس العلم. Puis après donc la science a disparu. أي علم؟ Quelle science؟ علم العقيدة. Donc le science de la dogme. التوحيد. L'unicité. متى ينتشر الشرك؟ Quand est-ce donc l'association se propage? Lorsque donc l'appel à l'unicité baisse. Quand est-ce que les innovations elles se répandent? Donc lorsque la da'wa pour le suivre et la sunna aussi s'efface. Quand est-ce que les désobéissances donc se propagent? Lorsqu'on délaisse donc le fait d'appeler à l'obéissance et aux bonnes œuvres. Quand est-ce que l'unicité se propage? Quand est-ce que la sunna se propage? Et les obéissances aussi? Lorsqu'on fait la da'wa pour cela. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été sortie pour les gens. Vous appelez, vous recommandez le bien, vous blâmez ce qui est blâmable. Donc la science. Elle s'est effacée donc, et le polythéisme a vu le jour. Et donc ils commençaient à adorer les saints et les pieux. Voilà, donc en faisant des représentations sur leur tombe jusqu'à ce qu'ils ont fini par les adorer. Et donc les idoles et les statues se sont répandues. Donc ce qu'Allah a cité dans Surat Nuh, Ya'ruq, Ya'ruq, Nasr. وأصلهم رجال صالحين. À l'origine c'était des gens pieux. وقصتهم ذكرناها بالأمس. Et leur récit on l'a cité hier. بعث الله نوح. Allah a envoyé donc Nuh عليه السلام. وعلم الناس التوحيد. Et il a enseigné aux gens l'unicité. ودعاهم. Et il les a appelés à cela. ليلا ونهارا. Jour comme de nuit. سرا وجهارا. Donc en public et en secret. Et donc la descendance n'était que des gens donc pervers et mécréants. Il a donc imploré Allah contre eux. Combien il est resté donc à faire cette da'wa? 1000 ans. Donc 950 ans. 1000 ans. إلا خمسين عشرة قرون. ديسيك. القرن الحقبة مئة سنة. مئة. مئة. مئة سنة. لا. يعني العقد 10 سنين. القرن 100 سنة. لها مرادفها بالفرنسية؟ اي نعم. العقود لا، لكن اما القرون نعم. ماذا يقولون بالقرون؟ سيكل. فكانت 10 سيكل، 10 قرون. سبحان الله، 1000 سنة يدعوهم. Donc presque donc 1000 ans à faire دعوة. بعض الشباب يجلس سنة سنتين شهر شهرين يدعو أهله يدعو قارب يمل. Voilà, il y a certains jeunes donc ils font la دعوة auprès des proches. خربان ما في. 2-3 mois après ils abandonnent. Donc patiente. أنت قبل الاستقامة كم سنة وأنت تلعب؟ Voilà, avant que toi tu retrouves le droit chemin, t'étais égaré pendant combien de temps? Louange à celui qui nous a guidés. Et on aurait pu se guider si ce n'est lui qui nous a guidés. C'est aussi, c'est ainsi que vous étiez auparavant, et c'est Allah par sa grâce qui vous a guidés. Donc faire la da'wa, ça nécessite de la patience. Combien de temps donc, a-t-il patienté Nuh? Donc 950 ans. C'est une longue période. وتمسكوا بعبادة الأصنام. Et malgré ça, ils se sont accrochés à l'adoration des statues des idoles. ويدعوهم لعبادة الواحد الديان. Et lui, il les appelle à adorer l'unique. فلعب عليهم الشيطان. Et malgré ça, donc, الشيطان, il leur a embelli. وأغواهم. Et il leur a donc détourné. ربهم. وأفسدهم. Et donc, il les a corrompus. واستمروا على عبادة الشيطان. Et ils ont donc persévéré dans l'adoration de même son propre fils il a été influencé par l'adoration des statues. Son nom c'est Kan'an. Son père Nuh il l'appelle monte avec nous dans le bateau. Je vais me réfugier à une montagne. Dire, rien ne peut sauver aujourd'hui de l'ordre du Seigneur. Donc jusqu'à ce qu'Allah a rappelé donc à nous que ça ce n'est pas une œuvre qui est pieuse. Donc l'eau a jailli du feu et la pluie donc elle a connu des pluies torrentielles. Le ciel. Donc il est monté dans le bateau et les gens se moquaient de lui lorsqu'il l'a fabriqué. Donc il a pris donc de chaque chose un couple. Parmi les gens, on dit que c'est seulement 80 personnes qui ont pris le bateau avec lui. Ce sont les seuls qui ont cru en lui. Allah a préservé donc ce bateau. Et donc dans des vagues telles des montagnes, tout le monde a été noyé. Noyé. Personne n'est resté. Donc ceux qui ont été sauvés, Nuh et ceux qui ont été avec lui dans le bateau. Et donc ceux qui sont aujourd'hui, tous ceux qui sont aujourd'hui, ce sont la descendance de ceux qui ont été sauvés avec nous. Voilà, donc toute l'humanité qui peuple aujourd'hui cette terre, ce ne sont que la descendance de ceux qui ont été sauvés avec nous. Et tous les autres, Allah les a fait périr. Donc l'association a pris fin et le polythéisme. Donc il reste que des gens qui unifient Allah par l'adoration. Donc les descendants. Et ils ont tant qu'ils sont encore retombés dans l'adoration des statues et des idoles. Le shaitan leur a encore enjolivé cela. Donc jusqu'à l'époque de Ibrahim alayhis. Et c'est lui-même qui a détruit les statues et les idoles. Et les gens donc ils sont retournés à l'adoration. Non. Donc des statues. C'est un réel problème, ces statues. ولذلك من دعاء نوح إبراهيم عليه السلام. C'est pour ça que Noé عليه السلام fait partie de ces invocations. ربي جربني وبني أن نعبد الأصنام. Oh Seigneur, préserve-moi et ma descendance d'adorer les statues. قصة الشيطان متكررة في إغواء الناس. Voilà donc l'histoire de Shaitan pour déjouer, pour détourner les gens se répète toujours. حطم الأصنام إبراهيم. إبراهيم عليه السلام donc a détruit les statues. ذهب إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام est décédé. ومات أتى بعده. قام موسى كذلك. قام عيسى كذلك. Donc موسى fait la même chose, la même دعوة. Et عيسى عليه السلام la même دعوة. كل الأنبياء يحذرون. Tous les prophètes mettent en garde contre le polythéisme. إلى أن أتى محمد صلى الله عليه وسلم. Jusqu'à la venue du prophète صلى الله عليه وسلم محمد. والناس يعبدون الأصنام. Et les gens encore, ils sont retournés à l'adoration des statues. قصة الأصنام مستمرة. Donc c'est une histoire qui se répète. لذلك خطورة. خطير هذا الأمر. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre garde de cette chose-là. فحطمها رسول الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم à son tour aussi les a détruits. وهدم الأصنام. Et il les a donc cassés. وحذر من الأصنام. Et il a mis en garde. ومن تصاوير الأصنام. Et aussi de leur représentation. تصاوير. Et aussi des photos. Et de ce à quoi elles mènent. والغلو في الصالحين. Et le fait de l'exagérer dans les pieux. هذا يفتح الطريق حتى لا تعود عبادة الأصنام والأوثان. Tout cela pour barrer le chemin et pour donc que les gens retombent pas encore dans l'adoration des statues. ولا يزال الناس اليوم يعبدون الأصنام. Et encore jusqu'à ce nos jours, il y a des gens qui continuent encore à adorer des statues et des idoles. الصين. En Chine. أكثر من مليار. Plus d'un milliard. يعبدون بوذا. Donc ils adorent Bouddha. Sanam. Un statue. Au Japon. Sanam. Pareil. L'Inde. En Inde. Sanam. Semblable aussi. Ba'al. Des vaches. Kurut. Donc des singes. Yabudu. Ils adorent donc toutes ces choses-là. Donc j'ai visité, donc j'ai eu l'occasion de me rendre dans ces pays et j'ai vu des choses étonnantes et étranges. Il vient donc devant les statues. Et ils les adorent en dehors d'Allah. Donc ils adorent encore Maryam et Isa alayhis salam. Voilà, donc ils lui font des représentations. Et ils rapprochent leurs offrandes. Tout cela existe. Dans la communauté donc musulmane, tel qu'il a cité ici le Cheikh, ils ont aussi donc les deux choubha. Donc on les prend comme intermédiaires. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont proches d'Allah. الخالق بالمخلوق. Et dans une telle attitude, ils ont fait une ressemblance entre le créateur et la créature. وين وجه التشبيه؟ Où réside donc la ressemblance؟ الملك عنده مقربين. Donc celui, le roi, il a des gens donc il a sa cour, des gens qui sont près de lui. لا يعلم حال الناس، لكن القريبين منه يوصلون له حاجات الناس. Voilà, donc il n'est pas au courant de la situation de la masse et de la populace, mais c'est sa cour qui lui rapporte les informations. Ça, c'est le roi de ce bas monde. Parce que ce roi est ignorant. Il ne connaît pas l'invisible. Donc c'est pour ça donc que les gens lui rapportent. Quant à Allah Azza wa Jal, ils sont passés de tout le monde. Donc il connaît le regard furtif et ce que cache ses poitrines. Invoquez-le directement. Invoquez-moi et je vous exauce. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. Ceux qui par orgueil donc ne m'invoquent pas, ils rentreront en enfer humiliés. فالذين جعلوا الواسطة والقربان. Ceux qui ont pris donc des intermédiaires. والتقرب لهؤلاء حتى يتوسطوا لهم عند الله. Afin qu'ils les rapprochent auprès d'Allah. ما عبدوا الله. Ils n'ont pas adoré Allah. عبدوا هؤلاء الصالحين. Ils ont adoré donc ces saints qui les prennent comme intermédiaires. والله عز وجل يقول لك ادعوني. Et Allah il te dit de invoque-moi. مباشرة. donc sans intermédiaire. Qui est-ce qui donc répond à l'appel de celui qui est dans la détresse? Il n'invoque personne en dehors d'Allah qui ne peut apporter ni bien ni mal. Si Allah ne te touche pas un mal, personne ne peut te lever. Et si Allah il te veut un bien, personne ne peut empêcher sa grâce. Il le fait atteindre donc à celui, il le fait parvenir à celui qui veut. Voilà donc l'histoire des statues des idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a eu peur. Il a dit, oh Allah, ne fasse que ma tombe ne soit pas un wathan qui est adoré. Et les gens donc ont pris les tombes des saints comme des statues et des idoles qu'ils invoquent. Dans le monde musulmans, ces choses qui sont répandues. Donc la tombe de Hussein, la tombe de Ali, la tombe de Zainab, la tombe de Dushuqi, la tombe de Mulla Yaqub, la tombe de Mulla Ali, donc tous ces noms là, ils ont leur tombe. Qu'est-ce qu'ils font auprès de leur tombe? On fait des offrandes, on égorge et aussi on fait des festifs autour de leur tombe. Qui sont ces gens-là? Des gens pieux. Et Lat et Uzza et Manat, Allah a cité dans le Coran. Sais-tu que ce sont aussi des gens qui étaient pieux? Nous, on n'adore pas des statues. Voilà, donc si, par prétexte, si donc la réponse est que tu n'adores pas des statues, on dit tu adores un wathan qui attend. Est-ce que les gens pieux sont des awthan? Est-ce que ce sont des statues? Ajibu. Non. Voilà, donc ces trois pieux qu'Allah a cités dans Sourate Nuh, ils en ont fait des statues. Et Manat et aussi, et c'est les trois qui ont été cités aussi, on leur a fait des représentations. Voilà, donc pareil, que ce soit des représentations ou bien que ce soit leur tombe, on est toujours dans le même discours. Voilà, le résultat est toujours le même. Voilà, tous prétendent les mêmes, tous avancent les mêmes arguments. Ce sont des gens qui intercèdent et qui nous font rapprocher. Voilà, et l'autre est venu auprès de la représentation de ce saint et il l'a invoqué. Et l'autre il est venu à sa tombe et il a fait la même chose, il l'a invoqué. Voilà, donc c'est la même situation. On a donc tous le même jugement. Qu'Allah donc nous préserve. ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الإسماء فإن أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة Parmi les crédents mécréants qui contrarient donc le dogme authentique et contredisent les consignes des messagers, qu'Allah, alayhim salam, ceux que croient les athées de cette époque, parmi les adeptes de Marx et de Lénine, et d'autres prêcheurs de l'athéisme et de la mécréance, en donnant à cela des appellations comme socialisme, communisme ou baptisme, et d'autres appellations. Parmi les principes de ces athées, c'est qu'il n'y ait point de divinité que la vie ni qu'une matière. Et parmi leurs fondements, le reniement du jour du jugement dernier, de l'existence du paradis et de l'enfer, le reniement de toutes les religions. Celui qui jette un œil sur leurs livres et étudie leurs théories, il le saura certainement. Il n'y a nul doute que ce credo est opposé à toutes les religions du ciel et entraînera ses adeptes au pire des aboutissements dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah هو عز وجل هو الذي خلقنا. Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui nous a créés. وهو الذي يعلم ما يصلحنا. Et c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. فأمرنا ونهانا. Et donc il nous a donné des ordres et des interdits. وعلمنا. Et il nous a enseigné. وجعل ذلك في كتابه وفي صحيح سنة رسوله. Et donc il l'a mentionné clairement dans son livre et dans la sunna de son messager. فإذا أردنا أن ننجو بغير هاتين الطريقتين الوحيين. Si nous cherchons le salut dans d'autres choses que les deux sources de révélation, c'est certainement l'égarement. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. Donc je vous ai laissé ce en quoi si vous y attachez, vous ne serez jamais égaré. كتاب الله. Le livre d'Allah et ma sunna. إذن من أراد الهدى في غيرها ضل إذن ولم يكن من المهتدين. Celui qui cherche la guider en d'autres choses que ces deux sources-là, il fera certainement parmi les égarés. فهذه عقائد. Tout donc ce qui a été dit ici, ce sont des dogmes. وقامت عليها كيانات. Et donc on en a fait des religions même. ودول. Et aussi des états. ولكنها تهاوت. Mais ils ont tous fini par la décadence. وسقطت. Et ils sont même tombés. لأن الذي يبنى على غير ما أراد الله لا يستمر. Car tout ce qui est bâti sur ce quoi Allah سبحانه وتعالى n'a pas légiféré, il ne pourra jamais durer. وكذلك جميع المدارس الفكرية. Et aussi toutes les théories donc toutes les écoles donc. التي تحارب الوحي. Et toutes les tendances de pensée qui vont à l'encontre de la révélation. سيأتي يوم وتسقط. Il viendra un jour où elle finira par disparaître. لأنها تخالف طبيعة البشرية. Parce qu'elle va à l'encontre de la nature saine des êtres humains. والبقاء للإسلام. Et c'est l'islam qui triomphera. والانتشار للإسلام. Et c'est lui qui dominera. فالعيسى آخر الزمان. Mais عيسى عليه السلام donc à la fin des temps. سوف يدعو لذلك. Il va même appeler à l'islam. وهناك من النصارى من سيؤمن به بعد عودته. Et donc, une fois qu'il reviendra, il y aura parmi les chrétiens ceux qui vont croire en lui. Et ils reviendront vers la religion de l'islam. Donc, que ce soit le marxisme. Ou l'énie. Ou bien le lénie. L'élin ou Marcus, haoula, munadzirin. Voilà, ce sont des théoriciens. Ils ont mis des théories. Et d'autres, donc, ceux qui... تحارب الدين. Ceux qui ont donc une telle vision qui combat la religion. Freud et autres. Donc leurs théories, ce sont des théories matérielles de ce bas monde. Ils ont certainement une pensée. Mais ils n'ont aucune connaissance de la révélation. Nul doute, c'est pour ça qu'ils ont dévié. Voilà, donc ils ont eu donc des écoles de pensée et ainsi de suite. Et on voit donc qu'elles tombent l'une après l'autre. Donc seul ce qui est pour Allah, il restera. D'ailleurs même le caractère inné de l'être humain va à l'encontre de ses idées. Voilà, eux ce qu'ils disent, tout il appartient à tout le monde. محارق المزارع. Voilà, il dit, il y a celui qui est au Kremlin et celui qui habite dans les fins fonds des campagnes. Ayam Lénine ou Marcus. Donc au jour de Lénine et de Marcus. Kremlin. Qassour. Voilà, donc ça a toujours existé. Taqulun Mouchaa, Ashtarak. Taskun Wain. Voilà, donc. Wadibas Taskun Wain. Donc ceux qui sont donc. Wa'aklik. Voilà, tous qui sont haut de la société, donc ils habitent où, ils s'habillent comment. Akhtarabihum Ufwa'afa wal-Bussata. Voilà, donc ceux qui étaient faibles d'esprit. Wal-Masakin. Et les pauvres, donc, ils en ont cru. Voilà, et c'est aussi d'autres l'autre théorie opposée qui disent que tu n'as aucun droit de ce qui t'appartient. لا تنظر بهذا الجانب. Pareil aussi, donc le capitalisme, c'est la même vision. نظرة الإسلام. L'islam. فيها وسط. Donc c'est une position intermédiaire. تسمح لك بالملكية. T'as le droit donc d'être propriétaire. وتأمرك بإعطاء المساكين. Et elle te redonne donc de donner aux ceux qui sont pauvres, ce qu'ils nécessitent. بالصدقة والزكاة. Avec la sadaqa et la zakat. هذه هي شريعة متكاملة. Donc ça c'est une une législation qui est complète et parfaite. لأنها أمر الله بها. Parce que c'est Allah qui en a donné l'ordre. أمر بها خالقك. Celui qui t'a créé, c'est lui qui en a donné l'ordre. الذي خلقك يعلم ما يصلح والمجتمع ودين الإسلام صالح لكل زمان ومكان. Voilà, donc celui qui t'a créé, c'est lui qui sait ce qui peut te réformer, ce qui est bien pour toi. Et on dit donc l'islam il est valable pour tout et à toute époque. بل كثير من النظم والقوانين. Bien, donc même plusieurs donc régimes et بل الدساتير. Et même certains donc constitutions. مليئة بكثير من أحكام الإسلام. Voilà, elles sont pleines et remplies donc de certains, elles se sont même inspirées de certains règles qui sont dans l'islam. بل بلغني أن Même j'ai appris que كثير من الدستور الفرنسي. Il y a plusieurs choses qui sont donc la constitution française. كثير من الأحكام الشرعية. Voilà. C'est inspiré de certains règles qui sont dans l'islam. بمواد محددة كما سمعت هذا. Dans certains dans certaines lois qui sont donc dans certaines limites. فالشريعة. Donc la législation. احترمت. Elle respecte. الحقوق. Donc les droits. الحاجيات. Et les nécessités. وضمنت. Et elle a garanti. لكل ذي حق حق. À chacun ayant droit son droit. فهي من الله. Car elle vient de la part d'Allah qui nous a créés et qui sait ce qui, nous est, ce qui est bon pour nous. Voilà, donc ça c'est des théories athées qui ne font rien. Voilà, donc il n'y a pas de jannah, pas de nar, pas de enfer, pas de règlement de compte, il n'y a pas d'au-delà. Non. ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة وكان شركهم في حال الرخاء أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال الله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وأما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال تعالى ولئن سألتهم ما خلقهم ليقولن الله وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفقل أفلا تتقون والآيات في هذا المعنى كثيرة أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين إحداهما شرك بعضهم في الربوبية والثاني شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر وعند قبر عيدروس في عدنان والهادي في عدن والهادي في اليمن وابن عربي في الشام والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفق قادة المسلمين وعلمائهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله إنه سميع قريب Parmi les credos, contrariant le dogme authentique et ce que croient certains soufis, que certains, que certains de ceux qu'ils appellent saints associent à Allah dans la gestion et gérant les affaires du monde. Ils leur donnent des noms tels que Qutb, Watad ou Rawz et autres noms qu'ils ont inventés pour leur divinité. Ceci est la pire des associations dans la seigneurie. Et cela est plus sournois que le polythéisme des Arabes à l'époque du pré-samique. Car les mécréants arabes n'étaient pas associateurs dans la seigneurie, mais dans l'adoration. De plus, leur association était réservée au moment de prospérité, alors qu'en temps de détresse, ils s'adressaient uniquement à Allah par l'adoration. Comme il le mentionne dans ce verset-là. Dans le sens, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement le culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Quant à la seigneurie, il reconnaissait son exclusivité à Allah. Et ici, il est dit dans ce sens, dans ce verset-là, et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront certainement Allah. Et aussi dans un autre verset, dis qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui la vue, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Dis alors, ne les craignez-vous pas donc. Les versets dans ce sens sont nombreux. Ainsi, les associateurs récents ont rajouté à l'association des premiers sur deux plans. Le premier, leur association dans la divinité, et le second, ils se cramponnent à leur association dans l'aisance et dans la détresse. Ceci est connu par ceux qui les ont fréquentés, ont étudié leur situation et ont vu ce qu'ils font devant les tombes d'Al-Hussein, d'Al-Badawi et d'autres en Égypte, et devant la tombe de l'Aïdous à Adn, et Al-Hadi au Yémen, Ibn Arabi en Syrie, et Cheikh Abdelkader Jilani en Irak, et d'autres tombes célèbres que les gens traitent avec exagération, en leur accordant une grande partie du droit d'Allah, du droit qu'Allah a sur eux. Et ils sont faits minoritaires. Ceux qui reprouvent cela et qui leur montrent la réalité de l'unicité avec laquelle Allah a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont précédé parmi les messagers alayhi wa sallam. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Nous le prions gloire à lui pour qu'il le remette sur le droit chemin, qu'il multiplie parmi eux les prêcheurs vers la voie de la droiture et qu'il soutienne les chefs et savants des musulmans dans la lutte contre ce polythéisme et son élimination sous toutes ses formes. Il est l'audient et le proche. Donc nous avons déjà précédemment montré ce qui concerne ces choses. Voilà, donc lorsque nous avons expliqué donc la parole de Cheikh Nobel rahmatullah. أما قوله في أن هؤلاء الأقطاب يديرون الكون هذا مشهور عند بعض غلاة التصوف. Voilà, donc sinon donc la théorie, le credo que il y a certains donc أقطاب comme tel, ils leur donnent le nom qui gère ce monde, ça c'est quelque chose qui est connu chez les soufis. يقول إن هؤلاء الأقطاب الأربعة. Donc ces quatre أقطاب يديرون الكون. Ils font donc tourner cet univers. والولي. Et donc et le saint. يرزق الولد. C'est lui qui donne la descendance. Et c'est lui qui guérit les malades. Et c'est lui donc qui exauce les vœux. Et celui donc qui soulage de la détresse. Ça, c'est les caractéristiques de qui? Donc, nul doute, ce sont des caractéristiques d'Allah. Donc, ça va à l'encontre donc du dogme authentique. Donc, ils en ont fait de leur. Voilà, donc ils l'ont attribué donc le fait de gérer, de donner dans la descendance qui sont des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça donc, voilà, ça c'est pas des shirk qui concernent donc l'uluhiyya, l'adoration. Quraysh, فَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ Allah. La Quraysh elle-même reconnaissait que celui qui a créé les cieux et la terre c'est Allah. هذا يقول لك لا الولي يدبر الكون. Celui-là il te dit c'est le wali qui gère l'univers. هذا شرك في الربوبية. Donc ça c'est du shirk qui relève dans la seigneurie. الأولين. Premier. إذا أشركوا. Lorsqu'ils faisaient donc l'association. في الرخاء. C'est lorsqu'ils étaient dans des situations d'aisance. ولكن في الشدة. Par contre lorsqu'ils sont en détresse. يدعون الله. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. وإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Une fois qu'il les a sauvés et qu'ils ont le pied sur terre ferme, ils reviennent à leur association. في حال الشدة. Donc au moment des détresses. يقولون يا الله. Ils disent oh Allah. وفي حال الرخاء يدعون هذه المعبودات. Lorsqu'ils sont dans l'aisance, ils adorent donc c'est leur statue. هذا كفار قريش. Ça c'est les mécréants de Quraysh. ومن في وقتهم. Et qui étaient à leur époque. أما اليوم إذا أتته مصيبة. De nos jours, lorsqu'il y a un malheur qu'il touche. قال يا سيدي. Il dit aussi. يا أولياء الله. Oh. يا أهل الله. Oh les gens d'Allah. يا جند الله. Oh donc l'armée d'Allah. يا سيدي فلان. Oh سيدي أنتل. يا ولي الله. لماذا تقول يا الله؟ Pourquoi donc tu ne dis pas directement Allah؟ هو الذي يعلم سرك ونجواك. C'est lui qui connaît ton secret. هو الذي يعلم الغيب. C'est lui qui connaît donc l'invisible. فكيف تدعو غير الله؟ Comment donc peux-tu implorer en تلجأ لغير الله؟ Autre qu'Allah et tu reviens autre que lui. ذكر هنا أمثلة. Il a cité ici des exemples. ذكر العراق. Donc il a cité donc l'Irak. وذكر مصر. L'Égypte. وعدن. Aussi عدن. واليمن. اليمن. والشام. Aussi la Syrie. ذكر عدة بلدان. Donc tant de pays qu'il a cité. ولا تزال إلى الآن. Et de nos, jusqu'à ce, nos jours, ça reste encore. لا تستغربوا. Donc ne soyez pas étonnés. لكل قوم وارث. Voilà donc à chaque peuple ont un des héritiers. في الحق والباطل. Que ce soit dans le vrai ou dans le faux. كما أن أهل الحق يتوارثون. Comme de la même manière que ceux qui sont sur le vrai, ils se passent en héritage. ويتواصلون عليه. Et ils se recommandent. كذلك أهل الباطل. Aussi les gens qui sont dans le faux. يتواصلون عليه وينافحون ضده. Voilà, ils se le recommandent et aussi ils le défendent. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على إن هذا لشيء يراد. Voilà, donc comme il est cité dans le verset, ils se sont même recommandés donc de patienter l'unicité pour laquelle Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam est venu vers laquelle il est venu les appeler. يتواصلون على الباطل. Donc ils se recommandent de patienter pour le faux. أأنزل عليه الذكر من بيننا. Donc il a été, pour commencer, est-il qu'il a été élu parmi nous pour qu'il lui donne la révélation. فهنا في الأخير دعا الشيخ قال نسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم. Ici donc à la fin le chef il a fait une invocation auprès d'Allah pour qu'il revienne. Amen. À la vérité. وأن يكثر بينهم دعاة الهدى. Donc qu'il multiplie ceux qui appellent à la vérité. إذن هذا دوركم يا طلبة العلم. Donc ça c'est le c'est à vous de jouer c'est votre rôle au chercheur de science. يا طالب العلم. Ou toi qui cherches la science. أدي زكاته. Donc tu dois t'en acquitter de sa zakat. En propageant donc la guidée et le bien entre les gens. Voilà donc faites répondre le suivi. Voilà donc et sauvez-les des innovations. Une fois que vous leur avez montré c'est quoi l'unicité et les mettre en garde de l'association et le polythéisme. Dans ce pays donc. Voilà, soyez des ambassadeurs pour faire répondre l'islam avec votre bon comportement ce qui est basé sur votre dogme afin que vous soyez donc des gens bien. Voilà, donc ne détournez pas de la voie d'Allah par un dogme qui est faux ou bien une innovation أو أخلاق سيئة، ou bien un mauvais comportement. أو سلوكيات قذرة، aussi ou bien avoir des attitudes qui sont répugnantes. ربما ينعكس هذا عن صدق عن دين الله. Voilà peut-être ça donc ça va se répercuter dans le fait que tu vas détourner de la religion d'Allah. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. Donc on finira après la prière de l'Asr bien sûr. وراحات تهيئون للغداء. بالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد. بارك الله فيك. كلهم راح. Il a dit donc, reposez-vous, allez-y manger, et après donc...